Chapitre 18e, entrevue. Armand, en entrant dans le cabinet du chef, fut frappé du luxe que nous avons décrit. Il promena, avec son flegme habituel, son regard autour de lui, admirant le bon goût qui avait présidé à l'arrangement de toutes choses. Il se tourna ensuite vers le fulminante et lui dit « Je vous souhaite le bonsoir, monsieur. Je vous demande pardon de vous déranger et je me permets de vous complimenter sincèrement sur la façon artistique dont vous avez meublé cette chambre. C'est ravissant. » « Mille grâces, monsieur, » répondit le fulminante. « Veuillez vous asseoir, » dit-il en montrant un siège. « Vous devez être fatigué. »« Pas trop, » dit Armand. « J'avais cependant un très spirituel compagnon de voyage qui m'a raconté sur votre existence des choses merveilleuses fort au-dessus de votre réputation qui cependant est immense. » Le fulminante salua. « Monsieur, vous êtes, je ne dirais pas le bienvenu, mais le trop bienvenu. Pourquoi, de grâce ?»« Parce que je souhaitais vous prendre. Vous valez cher. » »« Voilà précisément ce qui m'amène. Je viens vous détromper. » Le fulminante eut un geste de dénégation. « Permettez, » dit Armand. « Si je valais aussi cher que vous pensez, serais-je ici dans vos mains ?»« Je me suis dit que ma démarche vous prouverait ma sincérité. »« Monsieur, pour sauver un ami sans donner 2 millions, on peut risquer sa vie. » Quand on est aussi audacieux que vous l'êtes. Mais causons. Je vais vous questionner. Vous prétendez ne pas être très riche, n'est-ce pas? J'affirme que je ne le suis point. Vous vous donnez toujours comme neveu de mon prisonnier, homme d'une fortune moyenne, certainement. Eh bien, vous mentez. Moi? Oui, vous. Vous faites passer pour votre oncle un homme qui n'est même pas votre parent. Vous appelez votre sœur une jeune fille dont vous êtes le fiancé. Tiens, fit tranquillement Armand. « De qui diable avez-vous appris cela ? C'est la vérité du reste. Et vous mentez ? Non, je ne mentais pas. Écoutez-moi. Je suis curieux, monsieur, de savoir comment vous allez vous tirer de là. » « Oh, très franchement, très loyalement, très simplement, je vous assure. Je croyais qu'une seule chose vous intéressait, ma position de fortune. Mes affirmations ne portaient que sur un point, le reste étant indifférent. Car que vous importe, si le prisonnier est mon oncle, si Mademoiselle Fernande est ma fiancée. Il importe énormément. Tout ce mystère ne peut que confirmer les renseignements qui me sont donnés. » Armand haussa les épaules. « On vous a trompé. » Et il demanda. « Êtes-vous sûr que personne ne vous entend? Personne, vous me comprenez? » « Ceci, je le garantis. Eh bien, je vais vous conter une histoire intéressante. Vous êtes bon prince. Je suis sûr qu'avec 10 millions, vous vous contenterez. 10 millions ?» s'écria le fulminante. Il était profondément étonné. Que le lecteur n'oublie pas que le chef ignorait l'histoire de l'héritage. En demandant une rançon énorme, il n'avait qu'un but, rendre la délivrance impossible. Mais voilà qu'Armand parlait de 10 millions avec un accent qui forçait la conviction. N'y avait-il pas de quoi stupéfier le fulminante? « Monsieur, » dit Armand, « je vais vous mettre au courant de mes affaires et de celles de Monsieur le Noël, car votre prisonnier s'appelle le Noël. « Je le sais, » dit le fulminante. « Ah, vous le savez. Mais alors, vous ne devriez pas ignorer que Monsieur le Noël, moi et ma fiancée, nous héritons de 75 millions à nous trois. La personne qui vous a renseigné sur le reste ne vous a point dit cela ?»« Non, » dit le chef. « Nier eût été impossible. »« Eh bien, » dit tranquillement Armand, « vous vous faites flouer par cette personne-là. » Puis en riant, « à votre place, je serais vexé. » Un éclair brilla sous le masque dans les yeux du fulminante. Armand reprit. « Je viens vous proposer mieux que 6 millions. Je vous en offre 10. Je vois votre jeu maintenant. Nous avons été découverts par une certaine personne qui veut nous faire disparaître pour être seul à hériter de cette fortune qui se monte en totalité à plus de 100 millions bien liquidés. Cette personne est venue à Naples et elle a réclamé votre concours. Mais elle ne vous a point confié le secret pour payer votre assistance moins chère. Je viens, moi, carrément, nettement, en galant homme, vous offrir large part. Voyez qui se convient le mieux de cette femme ou de moi. » Le fulminante paraissait frappé de ces révélations. Il doutait encore, cependant. Armand, pour le convaincre, lui raconta tout le drame dont nous avons successivement déroulé les phases sous les yeux du lecteur. Certain, à cette heure, d'avoir été découvert par la comtesse, il montrait une grande habileté en jouant franc jeu avec le fulminante. Certes, il eût gagné la partie si le chef n'eût pas été épris de Fernande. Par malheur, il l'aimait d'autant plus maintenant qu'Armand mort, la dot devenait colossale. Quand Armand eut terminé, il dit au Fulminante pour conclure « Il faut, monsieur, accepter mon offre et me renvoyer vite à Naples. Ma fiancée est seule, exposée au coup terrible que s'est frappé la comtesse et... » Le Fulminante se leva précipitamment et dit d'une voix émue « Au sujet de mademoiselle Fernande, je vais donner des ordres. Veuillez m'attendre. Rassurez-vous surtout, avant une heure, bonne garde sera faite sur les jours de cette jeune fille. » Le Fulminante aimait Fernande d'un tout autre amour que celui qu'il éprouvait pour la Zinzinetta. Mais pour être plus tendre et moins ardente, cette passion n'en était pas moins plus forte. Il s'empressa de faire télégraphier à Naples. Puis il demanda à la comtesse et envoya Cascario prier Armand de l'attendre. Il s'enferma avec Elora dans une des chambres de la grotte. Entre ces deux rudes jouteurs, la lutte allait donc s'engager. Le Fulminante invita la comtesse à s'asseoir, ce qu'elle fit en attachant son regard sur le masque de son adversaire, dont elle cherchait à pénétrer la pensée. « Signora, dit celui-ci, je vous prie de m'écouter attentivement et de me répondre honnêtement. Je suis prête. Que voulez-vous de moi? Est-ce bien l'amour, l'amour seul, qui vous pousse vers ce jeune homme? Oui, dit-elle nettement. Vous n'avez pas d'arrière-pensée? Non, certes. Et sous cette grande passion, ne se cache pas le désir d'épouser ou de tuer un riche héritier? Armand a parlé, se dit la comtesse. « Je pose l'alternative, fit le Fulminante, parce que vous pouvez avoir à le tuer, s'il n'épouse pas. « Capitaine, dit Laura, j'aime, voilà tout. Aimez de votre côté, épousez, si bon vous semble. Les millions existent-ils vraiment ? Demanda-t-il brusquement. Sans hésiter, elle répondit « Oui ». Il trouvait tout de nécessaire de jouer carte sur table. « Nous sommes en face d'une situation parallèle, dit le Fulminante. Vous aimez un héritier qui ne vous aime pas et qui aime une jeune fille qui vous gêne. » La comtesse secoua la tête. Le Fulminante reprit. « De mon côté, j'aime la jeune fille qui vous gêne et celle-ci est fiancée de celui que vous aimez. Nous pouvons traiter à condition égale. « Soit, dit la comtesse. Et en elle-même, elle se demanda. « Emadeo. » Le Fulminante reprit. « Vous voulez la mort de cette jeune fille. Laissez-la vivre et je vous donnerai Armand. » « Faut-il être franche ?» demanda la comtesse. « On y gagne avec moi. »« Eh bien, vous faites mauvais marché, parce que Fernande est condamnée. Elle est anémique et elle mourra dans l'année. Si vous en doutez, consultez un médecin. Serait-elle déjà empoisonnée ? Je vous jure que non. » Puis avec une franchise si bien jouée que le Fulminante y fut pris, elle s'écria. « Tenez, prenons confiance l'un à l'autre. Qu'importe l'or quand on est déjà riche et que l'on a au cœur une grande passion. Pourquoi ferais-je périr votre Fernande du moment où elle serait à vous? Pour avoir sa part d'héritage? Eh, dès aujourd'hui, capitaine, je vous garantis cette part, et je suis prêt à signer l'engagement que les chefs de ma nation me forceraient bien à tenir si j'y manquais. Madame, dit le Fulminante, je me ferai justice moi-même. Comme moi, dit-elle, si vous manquiez aux clauses de notre marché. Je reprends. Quel motif encore me pousserait à vouloir la mort de Fernande? Sa passion pour son cousin? Vous épousant ou étant vos mains, je n'ai plus de raison pour la craindre. Pesez bien ce que je vous dis là, et vous verrez que si avant l'année Fernande est morte, ce sera d'anémie. Les médecins en feront foi. S'il déclarait par hasard que l'ombre d'une trace de poison a été trouvée dans son corps, vous pourriez vous venger de moi. Votre coup de poignard serait bien donné. Mais je suis tranquille. Il est clair pour vous maintenant que je ne veux plus la mort de l'enfant. Le jour où vous l'enterrez, je vous dois sa part d'héritage, ce jour-là seulement. Donc, l'intérêt, un intérêt de beaucoup de millions, me pousse à la laisser vivre. » Le Fulminante creusa cette idée, n'y trouva rien qui ne sonne clair et franc, et il finit par accepter le marché. Il dit à la comtesse, « Nous allons rédiger les clauses de ce traité et les signer, si vous le voulez. « Soit, dit-elle, retournez près d'Armand, je vais préparer ce contrat. » Ayant chacun notre copie, dit le Fulminante, « si vous manquez aux conventions, lorsque je me serai vengé, je pourrai montrer au vôtre que c'était mon droit. vous de même contre moi. Mon cher capitaine, dit-elle avec un sourire charmant, il n'y aura pas de querelle de vous à moi. Tout au contraire, il vous serait difficile de réussir auprès de Fernande. Ma sœur vous y aidera. Elle est femme, elle est habile. Comptez sur elle. Elle saura mieux que personne vous faciliter votre tâche. Elle vous donnera les moyens de réussir. Il n'y en a qu'un, dit le fulminante, lequel, s'écarmant, passe pour mort. Aussi le fusillerai-je pour la forme dans quelques jours, et cet enfant se sentira seul au monde. Et moi, je vous prierai de faire annoncer dans un journal la mort de Fernande. De la sorte, en mettant ce journal sous les yeux d'Armand, on arrivera à le désespérer d'abord, puis à le consoler ensuite. Notre moyen est bon, mais qu'allez-vous lui dire? Je ne le reverrai pas. Il y a, je vous l'avoue, tant de franchise dans ses allures, il m'est si sympathique que je me sens faiblir devant lui et j'évite sa rencontre. Il est fâcheux qu'il se trouve comme un obstacle sur mon chemin. Au revoir, comtesse. Un instant, dit-elle, et Madeo. C'est moi, dit le fulminante simplement. Il ôta son masque. Mais l'autre nuit, j'ai vu un autre visage. De même que je vois aujourd'hui en vous une autre femme que cette nuit-là. Je suis grimé, même sous le masque, dans certaines expéditions, où je prévois soit bataille, soit trahison. Aujourd'hui, je vous tiens ici comme otage pour ma sécurité. Je puis donc vous répéter que Madeo, c'est moi. Seulement, vous avez fait le bonheur de la Zinzinetta. Comment ? Demanda la comtesse. J'ignorais l'histoire de l'héritage. Je ne savais pas que nous jouerions à jeu découvert. Alors j'imaginais que pour vous convaincre que je travaillais dans l'intérêt d'autres, de Madeo, je devais prendre une maîtresse. Ainsi ai-je fait. Vous aimez moins Fernande que je n'aime Armand, dit la comtesse. Détrompez-vous. Un homme peut aimer passionnément deux femmes. Et il prit congé de la comtesse. 10 minutes plus tard, il partait suivi de la Zinzinetta. Cascario allait trouver Armand. Le vieux bandit s'inclina profondément devant le jeune homme et lui dit « Excellence, je suis Cascario, capitaine des malvivants qui gardent cette grotte. Je suis envoyé par le fulminante qui vient prendre une décision d'autant plus rapide à votre égard qu'un télégramme le rappelle à Naples. Il m'a chargé de vous dire qu'il allait pour faire vérifier vos assertions, qu'en attendant vous seriez prisonnier et qu'il aviserait lorsqu'il saurait à quoi s'en tenir sur toute chose. » Il m'a surtout recommandé de vous avertir qu'il protégerait votre fiancée, très menacée, et que vous auriez été impuissant à sauver. Puis tout à coup, ah, j'oubliais. La Zinzinetta, qui est devenue la maîtresse du chef, lequel en est passionnément amoureux, mais amoureux fou, la Zinzinetta voulait sa chambre. Elle recommande de ménager son mobilier. Le front d'Armand s'était d'abord assombri, mais il se dérida un peu. Le fulminante amoureux de la Zinzinetta ne pouvait avoir des vues sur Fernande. « Puis-je voir Monsieur le Noël, mon oncle » demanda-t-il. « Oui, Excellence. Conduisez-moi près de lui. Pas moi, si vous permettez. Je suis mal avec lui. Il m'attribue la trahison de la Zinzinetta, le délaissant pour le chef. » Armand sourit. Cascario appela. « Eleonora ! Eleonora ! Ici, petite !» La comtesse accourut, non sans trouble. « Excellence, dit Cascario, avec un beau sang-froid, je vous présente ma fille. Elle a pour service ici d'être la femme de chambre des prisonnières. Je vous la donne comme aussi sage qu'une sainte et martyre, et je vous engage à ne pas la séduire. Sinon, outre votre rançon, j'exige une dot énorme. » Cascario était inimitable quand il disait ces choses-là, et naturelles surtout. Armand eut bien ri, n'était ses inquiétudes. « Eleonora, dit le capitaine, conduit le signor auprès de son oncle. « Venez, dit la comtesse. » Et comme, en sortant de la chambre, on tombait dans une demi-obscurité, la jeune femme prit en tressaillant la main d'Armand pour le guider. Elle eut cette force de résister à la tentation de presser cette main. Elle se domina. Armand, tout préoccupé qu'il fût, avait remarqué cette fille qu'on lui présentait comme l'enfant d'un brigand. Il était prisonnier, et les regards de cette femme lui annonçaient de la sympathie. Il fut comme tout captif qui, dans sa prison, trouve quelqu'un ayant commisération pour lui. Il résolut de cultiver cette naissante amitié. « Signora, dit-il, Vous êtes bien jeune, bien jolie et bien charmante pour vivre dans ce repaire. Eh, fit-elle, ne faut-il pas s'amasser une dot ? Cascario, mon père, est riche, mais il a tant de filles par le monde. Il se ruinerait à leur donner seulement à chacune une centaine d'écus. Je suis venu ici, les yeux bandés, j'en sortirai de même dans quelques années. Mais j'aurai en poche de quoi choisir un mari dans mon village. Armand savait la valeur d'un compliment. Vos beaux yeux n'auraient-ils donc pas suffi ? Demanda-t-il galamment. En France, oui, ici, non. Vous êtes charmante, cependant. Prenez garde, signor. À ce train-là, vous seriez forcé d'ajouter bientôt ma dot à la rançon. Cascario n'entend pas la plaisanterie. Et vous ? Moi, cela dépend. Si jamais. Mais je n'ai jamais aimé personne. Voilà pourquoi je suis resté sage. Vous voici devant la chambre de votre oncle, signor. Bon coucher. Bonne nuit, petite. Et il frappa. Entrez, cria la voix de Monsieur le Noël. Armand ouvrit et parut. Monsieur le Noël, qui écrivait une lettre, se dressa d'un bond sur ses pieds. Vous ? S'écria-t-il effaré. Ici ? Armand l'embrassa. Mais malheureux, vous vous êtes donc fait prendre ? Oui. Et comment ? Je vais vous le dire. Je croyais venir me mettre aux mains du fulminante pour lui dire « Nous avons à nous tant de fortune, ni plus ni moins. Prenez ce que voudrez. » Étant donné le caractère du chef, c'était bien calculé, je vous assure. J'ai failli réussir. Mais il est survenu une difficulté qui dérangeait tous mes calculs. Laquelle ? La comtesse est à Naples. Est-il possible ? Elle a vu le fulminante. Grand Dieu ! C'est pour le compte de notre ennemi qu'il nous a enlevés. Nous sommes perdus. Pas encore. J'ai offert des millions au fulminante. Oh, je tremble pour Fernande. Il m'a juré de veiller sur elle. Fernande vaut cher pour lui maintenant. Puis, j'ai un espoir. Lequel ? Armand voulait fuir à tout prix avec Monsieur le Noël. Rentrer à Naples, veiller sur Fernande. Il avait trouvé une idée. Il demanda. Monsieur le Noël, serait-ce un crime de se laisser séduire par une femme pour sauver Fernande ? Aurais-je quelque chose à me reprocher si je faisais cela ? Non, dit Monsieur le Noël. Et si cette femme était la comtesse ? Monsieur le Noël tressaillit. Je vous soumets un cas de conscience, dit Armand. Jugez-le en honnête homme. Je puis obtenir ma liberté et la vôtre. Nous fuirons, mais vous voyez à quel prix. Êtes-vous sûr que la comtesse viendra ici ? J'en suis certain elle-même. Elle voulait vous tuer, n'importe elle-même. Si elle vient, dit avec effort Monsieur le Noël, sauvez Fernande. Voilà votre devoir. Il sera toujours temps de poignarder la comtesse quand nous sommes libres, dit Armand. Êtes-vous certain que le fulminante va protéger cet enfant ? Oui, j'en suis convaincu. Il n'est parti brusquement à Naples que dans ce but. Il n'a pas même pris congé de moi. Et, dit en frissonnant Monsieur le Noël, s'il a laissé prendre de votre fiancé ? Il est fou de la Zinzinetta. Allons, fit Monsieur le Noël avec un soupir. Ma faute aura donc servi à quelque chose. Bonsoir, Monsieur le Noël. Bonne nuit. Pensez à nous délivrer. Et il serra la main d'Armand en murmurant « Pauvre petite Fernande, mais elle ne saura rien. Ce n'est ni moi, ni vous qui le lui diront. » Ils se séparèrent. À la porte, la comtesse attendait. « Je vous conduis à votre chambre, signor, dit-elle. « Je vous suis, ma toute belle, dit Armand. » Et il se montra très aimable jusqu'à la porte de sa chambre. Là, il fut remis aux mains du valet de chambre qui s'occupa de lui avec zèle, jusqu'à ce qu'il s'endormît. Et bientôt, dans la grotte, tout fut silencieux. Au loin seulement, on entendait gronder le volcan souterrain, dont on apercevait les lueurs rougeâtres courant par intervalles au fond de l'immense souterrain. Pendant ce temps, Fernande recevait la lettre suivante. « Mademoiselle, votre fiancé, malgré ma défense, a voulu venir à moi, qui lui avait refusé tout sauf conduit, juste de mon droit, en le retenant prisonnier. » Sa vie n'est pas menacée, mais sachant quel héritage il doit faire, je m'arrangerai pour toucher sa rançon et celle de votre tuteur sur l'héritage. D'ici là, je le garde. Mille regrets, mademoiselle, mais vraiment, c'était me braver trop audacieusement. Le fulminante. Cette fois, Fernande s'évanouit si longuement que la baronne la crut morte. Et bientôt après, Madame Valdiville recevait de sa sœur un avis court, bref, concis, par un homme sûr. Le bohémien apportait la recommandation suivante. « Quoi qu'il arrive, quoi que j'écrive, suivez toujours mes premières instructions. » C'était l'arrêt de mort de Fernande. La baronne allait chaque nuit le faire exécuter. Et son œuvre de mort ne serait pas entravée, puisque le fulminante se fiait à ses amours. Ainsi, tout abandonnait Fernande. Tout se tournait contre elle. Seule, elle avait à défendre sa vie contre un monstre épouvantable et son cœur contre le fulminante.